Moi, vous savez, au début, j'étais un médium. Pour moi, c'était, par exemple, pour parler de la médiumnité, c'était quelque chose de tout à fait farfelu. Je connaissais pas. En fait, je connaissais pas. Et la majorité des gens qui ont des opinions sur ces sujets, la plupart du temps, on s'aperçoit très rapidement en les interrogeant qu'ils connaissent pas du tout le phénomène. Et j'étais amené à faire des conférences dans des lieux. Des associations d'aide aux personnes en deuil, il y en a beaucoup. On m'avait dit, docteur, en première partie, il y aura un médium, ou en deuxième partie, enfin peu importe, il y aura avec vous un médium qui fera des séances en salle. Alors là, à l'époque, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est une secte, qu'est-ce que c'est ce truc? Je vais pas aller dans ce machin. Alors, très, très gentiment, donc l'organisateur me dit, ben, venez, dimanche, il y a un médium. Et puis vous verrez comment il fait. Bon. Et puis il se trouve que c'était Henri Vignot, que vous connaissez puisque vous l'avez reçu ici. Et il commence à avoir des flashs, une entité qui se présente, un petit garçon qui présente un ours bleu, et la maman qui dit en sanglotant, oui, c'est l'ours qu'on lui a mis dans son cercueil, c'est mon fils, et un ours en peluche bleu. Bon, je dis, ça, ils sont complices, ok. Ensuite, à côté. Pareil, un signe de reconnaissance très précis. Et puis après, ça tombe sur moi. Alors, il commence à me dire, ah oui, votre maman est malade en ce moment, mais ça va aller. Il se trouvait qu'on venait de l'opérer de la vésicule biliaire, je l'avais endormi, ça s'est très, très bien passé. J'ai dit ça, ils se sont renseignés sur toi avant de venir. Et puis, il commence à me sortir des trucs sur mon passé, avec le prénom d'une femme que j'avais aidée. Des trucs très précis qu'il n'y avait que moi qui connaissais. Et ça a été la fissure, je dirais, dans l'édifice. Et j'ai connu, bien sûr, beaucoup, beaucoup de médiums. Jean-Marie Le Gall, par exemple, qui est ici. Florence Hubert. Enfin, tous les contacts, si vous voulez, que je vous ai donnés pour faire ce film. Par rapport à la médiumnité, je savais que ce n'étaient pas des charlatans, que c'était vraiment des gens de cœur qui travaillent et qui sont vraiment là pour aider les gens et qui ont des signes de reconnaissance, alors incroyables, d'une précision. Alors c'est ça qui me fait dire, alors comment ça fonctionne? Comment ça peut marcher? Je me suis interrogé, comment ils font? Est-ce que c'est de la télépathie? C'est pour ça que je m'interrogeais sur la télépathie. Est-ce que dans mon cerveau, il a puisé des informations? Non, parce qu'il se trouve que quelquefois, c'est des informations que les consultants ne connaissent pas eux-mêmes. Donc, le plus logique, même si au niveau de notre rationalité matérialiste, ça nous dérange profondément, c'est de dire qu'il y a une connexion donc avec l'au-delà. Il faut bien l'appeler comme ça. Bon, même quand on est médecin, ça ne fait pas bien de parler de l'au-delà, mais. Quand c'est au-delà de notre réalité matérielle, il faut bien porter un nom dessus. Donc oui, moi je pense que le plus logique, c'est de dire qu'ils sont connectés avec une forme de conscience de l'entité qui est passée de l'autre côté. Et quand on accepte ça, on a tout compris finalement. C'est allé très vite. C'est vrai, vous avez raison, c'est allé très vite. C'est un raccourci. Et moi, ce raccourci m'arrange parce qu'il me permet d'être beaucoup plus rassuré par rapport à ce qui peut se passer au moment de la mort, et c'est thérapeutique pour moi aussi.